Ils combattent, versant à flots leur sang vermeil. Le jour entier se passe ainsi, mais le soleil baisse vers l'horizon. La nuit vient. « Camarade, dit Roland, je ne sais, mais je me sens malade. Je ne me soutiens plus, et je voudrais un peu de repos. » « Je prétends, avec l'aide de Dieu, dit le bel Olivier, le sourire à la lèvre, vous vaincre par l'épée, et non point par la fièvre. Dormez sur l'herbe verte. Et cette nuit, Roland, je vous éventerai de mon panache blanc. Couchez-vous et dormez. » « Vassal, ton âme est neuve, dit Roland. Je riais, je faisais une épreuve. Sans m'arrêter, sans me reposer, je puis combattre 4 jours encore et 4 nuits. » Le duel reprend. La mort plane, le sang ruisselle. Durandal heurte et suit Closamont. L'étincelle jaillit de toutes parts sous leurs coups répétés. L'ombre autour de s'emplit de sinistre clarté. Il frappe. Le brouillard du fleuve monte et fume. Le voyageur s'effraie et croit voir dans la brume d'étranges bûcherons qui travaillent la nuit. Le jour naît. Le combat continue à grand bruit. La pâle nuit revient. Ils combattent. L'aurore reparaît dans les cieux. Ils combattent encore. Nul repos. Seulement, vers le troisième soir, sous un arbre, en causant, ils sont allés s'asseoir. Puis ont recommencé. Le vieux Gérard en Vienne attend depuis 3 jours que son enfant revienne. Il envoie un devin regarder sur les tours. Le devin dit, « Seigneur, ils combattent toujours. » 4 jours sont passés, et l'île et le rivage tremblent sous ce fracas monstrueux et sauvage. Ils vont, viennent, jamais fuyants, jamais lassés, froissent le glaive au glaive et sautent les fossés, et passent, au milieu des ronces remuées, comme 2 tourbillons et comme 2 nuées. Ô chocs affreux! Terreur, tumulte étincelant. Mais enfin Olivier saisit au corps Roland, qui de son propre sang en combattant s'abreuve, et jette d'un revers Durandal dans le fleuve. C'est mon tour maintenant, et je vais envoyer chercher un autre estoc pour vous, dit Olivier. Le sabre du géant synagogue est à Vienne. C'est, après Durandal, le seul qui vous convienne. Mon père le lui prit, alors qu'il le défie. Acceptez-le. Roland sourit. Il me suffit de ce bâton. Il dit, et déracine un chêne. Sire Olivier arrache un orme dans la plaine et jette son épée. Et Roland, plein d'ennui, l'attaque. Il n'aimait pas qu'on vînt faire après lui les générosités qu'il avait déjà faites. Plus d'épée en leurs mains, plus de casque à leur tête. Ils luttent maintenant, sourds, effarés, béants, à grands coups de troncs d'arbres ainsi que des géants. Pour la 5e fois, voici que la nuit tombe. Tout à coup, Olivier, aigle aux yeux de colombe, s'arrête et dit « Roland, nous n'en finirons point. Tant qu'il nous restera quelques tronçons au poing, nous lutterons, ainsi que lions et panthères. Ne vaudrait-il pas mieux que nous devinssions frères ? Écoute, j'ai ma sœur, la belle Aude au bras blanc, épouse-la. » « Par Dieu, je veux bien, dit Roland. Et maintenant buvons, car l'affaire était chaude. » C'est ainsi que Roland épousa la belle Aude.